اغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes arrivés au hadith numéro 5 dont le Cheikh Rabi Hafizahullah a mis avec le hadith numéro 6. Donc dans ce même chapitre, on aura deux hadiths, le cinquième et le sixième hadith. Al-hadith al-khamis wa al-sadis. Khuturatu du'ai ghayrillahi ta'ala. Hadith numéro 5 et 6. La gravité, le danger d'invoquer, d'implorer autre que Allah, élevé soit-il. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dakhala an-nar. رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم d'après ابن مسعود c'est-à-dire Abdullah ابن مسعود رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt, qui vient à mourir, alors qu'il invoquait autre que Allah, il invoquait quelqu'un ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, c'est-à-dire en faisant cela, il a donné un nid, un semblable, un égal à Allah, entrera dans le feu de l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Et d'après Jabir, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, celui qui rencontre Allah sans rien lui associer, entrera au paradis. Et celui qui le rencontre, qui rencontre Allah, en lui ayant associé, entrera dans le feu de l'enfer. Rapporté par Muslim. Sahabiya al-Hadith. Les deux compagnons qui rapportent ces hadiths. Le premier hadith, c'est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Huzali Abu Abdurrahman min al-Sabiqin al-Awwalin ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة مات بالمدينة سنة 32 من الهجرة. Donc le premier, c'est ce grand et honorable compagnon Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Huzali, le père de Abdurrahman, parmi les premiers les prédécesseurs, les premiers musulmans, et parmi les grands savants des compagnons, il a beaucoup d'énormes mérites. Omar l'a nommé gouverneur de l'Koufa. Il est mort à Médine en l'an 32 de l'Hégire. Il est enterré dans le cimetière de l'Baqir, à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il est même rapporté que c'est le sixième à avoir embrassé l'islam. Quand il est entré dans l'islam, il n'y en a que cinq qui l'ont précédé. C'était le sixième à entrer dans l'islam. Et qu'il est le premier à avoir récité à haute voix le Coran devant la Kaaba, devant Quraysh. Il était petit de taille, il avait les jambes arquées et il avait des jambes très fines. De sorte qu'une fois à Médine, lorsqu'il a grimpé le dattier, le palmier, et vous savez qu'un dattier, le tronc, il est long. Et les sahabes, radiallahu anhum, le regardaient et étaient étonnés de la finesse de ses jambes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a remarqué cela. Il leur a dit, êtes-vous étonnés de la finesse de ses jambes? Sachez qu'elles sont bien plus lourdes sur la balance d'Allah que toute la montagne de Uhud. Montrer la valeur d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et elle était connue aussi pour le savoir. C'était un des plus grands savants des compagnons. Une référence. Comme lorsqu'on voit dans le hadith qui dans Sunan al-Darimi, rahimahullah, Al-Kufa. Al-Kufa, c'est une ville qui est en Irak. C'est une ville qui est en Irak. C'est la ville de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et Abdullah ibn Mas'ud était à son époque, pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a été nommé le gouverneur de cette ville de Al-Kufa. Et un jour, il y a ce grand compagnon, honorable compagnon, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui est originaire du Yémen. C'est un compagnon, mais il fait partie des compagnons qui sont venus du Yémen. Et ce grand compagnon, radiallahu anhu, entre dans la mosquée de Al-Kufa et il voit les gens en cercle, plusieurs cercles, dans la salle de prière. Et au milieu de chaque cercle, il y a une personne qui donne l'ordre de glorifier Allah 100 fois. L'ordre de proclamer la grandeur d'Allah 100 fois. L'ordre de louer Allah 100 fois. De dire Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Et les gens répètent, après que cet homme, ce chef de groupe, si on peut dire, leur donne cet ordre-là. Il était étonné de voir cette scène. Parce que c'est une scène qu'il n'a jamais connue auparavant. Et au lieu de les réprimander et de leur faire le reproche, il a préféré demander cela à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et lorsqu'il s'est dirigé vers la maison d'Abdullah ibn Mas'ud, il a trouvé les étudiants devant sa porte. Ils attendent sa sortie. Il leur a demandé, est-ce que le père de Abdurrahman, Abu Abdurrahman, est sorti? Ils lui ont dit, non, on l'attend. Il ne va pas tarder à sortir pour aller à la mosquée pour l'heure de la prière. C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Mas'ud, parfois, fermait sa porte et ne voulait pas parler. Et les gens sont assoiffés de science. Ils veulent apprendre. Même s'il leur ferme la porte, ils restent devant sa porte. Ils savent que dans tous les cas, il devra sortir pour aller à la mosquée. Donc ils profiteront de lui pendant le trajet. Et lorsqu'il est sorti, il lui a dit, « Oh Abu Abdurrahman, j'ai vu tout à l'heure dans la mosquée une chose qu'on n'a jamais connue à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Il lui a dit, « Et qu'as-tu vu ?» Il lui a dit, « Si Allah te donne vie, tu le verras. » Et il lui a dit, pourquoi tu ne l'auras pas réprimandé? Tu ne l'auras pas demandé d'arrêter? Il a dit, j'ai préféré que ce soit toi qui leur dise. Parmi les leçons qu'on retire et que le ulama retire plein de leçons dans ce récit, par exemple le fait que les étudiants, ils patientent devant face à leur professeur, ils ont besoin de lui, ils ont besoin de la science qu'il a, ils font preuve de patience. De même, les élèves doivent patienter devant face des fois à des difficultés qu'ils trouvent avec leur professeur, parce qu'ils ont tout à y gagner. De même que parmi les bons comportements, une personne ne doit pas répondre alors que sur place, il y a plus savant que lui. Qui laisse la place à plus savant que lui. Et ça, ce sont même des chiourtes, des savants, lorsqu'ils ont, ils ont près d'eux quelqu'un de plus savant, ils nous montrent le bon exemple, ils ne répondent pas aux questions. Regardez, Cheikh Abdel Razzaq Al-Abbad, il est, ça c'est connu de lui, beaucoup de frères ont eu, ont eu affaire à cela. Cheikh Abdel Razzaq Al-Abbad, c'est un homme d'un certain âge, un docteur, un professeur, un shir connu, il a de la science, il a sa chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, professeur fil jami' al-islamiyya, je pense qu'il a dû prendre sa retraite là, c'est un grand-père, Cheikh Abdel Razzaq, c'est un homme d'un certain âge, mais son père est encore en vie. Et son père, c'est le grand savant de Médine, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Lorsque quelqu'un vient lui poser la question, et son père, il est à côté, il dit « Demandez à mon père ». Il ne répond pas aux questions. Il ne répond que lorsqu'il sait que son père n'est pas présent. Si son père, il est présent, il ne répond jamais aux questions. C'est une éducation. Une éducation. Ça ne sert à rien de s'aventurer. Laisse la place à plus connaisseur que toi. Et les sahab, comme certains tabi'i disaient, dans cette mosquée, j'ai rencontré plus de 120 compagnons. Chacun espérait que ce soit son frère qui réponde à la question. Il repoussait pour laisser quelqu'un d'autre prendre cette responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Les gens pensent que celui qui répond à toutes les questions, c'est celui qui a le plus de connaissances. Et comme certains, je ne sais plus si c'est l'imam Malik, rahmahullah, non, même Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, il n'y a qu'un fou pour répondre à toutes les questions. Dans le sens de ses paroles, il n'y a qu'un fou pour répondre à toutes les questions. L'imam Malik, rahmahullah, cette personne qui fait un long voyage, il lui pose une quarantaine de questions. Il répond à certains, il y a des dizaines, il lui dit, je ne sais pas. L'homme, il est étonné. Comment il va retourner chez lui ? Dire à ses proches, aux gens qui l'attendent, j'ai demandé, il a dit qu'il ne sait pas. Il lui a dit, informe-les que je ne sais pas est la moitié de la science. La adri nisful ilm. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir. Tu ne sais pas, tu ne t'aventures pas. T'apprends. Lorsque des sahaba radiallahu anhum revenaient d'une bataille, un homme parmi eux était blessé à la tête. Il passe la nuit. Le matin, il se lève en état d'impureté majeure. Et il demande, est-ce que je peux faire les ablutions sèches ? At-tayammum. Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, tu dois faire le ghusl, le lavage du corps. Il les a écoutés. Il l'a fait, il en est mort. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils ont raconté l'histoire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pris de colère, a dit, ils l'ont tué qu'Allah les tue. C'est une responsabilité. Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su? Car le remède de l'ignorance, c'est de questionner. Comme Allah dit dans le Coran, fas'alou ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamoun. Et demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Donc il n'y a aucune honte à dire je ne sais pas. Tu dis je ne sais pas parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas la réponse. Donc tu cherches la réponse pour pouvoir la connaître, mais pas répondre. Et ça, c'est un des graves problèmes qu'ont Jama'at al-Tabligh. Pas que, mais eux sont connus pour cela. Et une des grandes causes qui les a menés à cela, c'est qu'on les encourage, on les pousse à prêcher sans apprendre. À prêcher sans apprendre. La personne, elle vient juste d'accomplir sa première prière. Il vient juste de faire la shahada, le témoignage, il rentre dans l'islam et on lui demande de se lever et de parler. Des actions jamais accomplies à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inventées. Puis il légitime ces actions-là en disant que la science, elle vient toute seule. Et ils disent qu'il n'y a pas de bénédiction dans beaucoup de sciences. Wal'iyadhu billah. Ça, ce sont des paroles qui se propagent. Et que les gens qui s'adonnent à la science perdent leur temps. Et que pendant ce temps-là, des gens meurent sans entrer dans l'islam. Pour les culpabiliser. Un enseignement qui est inexistant chez les prophètes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait à ses compagnons. Pendant ce temps-là, des gens dans d'autres continents mouraient dans la mécréance. Subhanallah. Et le prophète enseignait à ses compagnons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais demandé qui veut aller prêcher à tel endroit. Non. Il regardait ses compagnons, il en désignait un. Il choisissait celui qui avait la compétence. Un seul. Toi, je t'envoie à tel endroit pour prêcher. Et il lui donne des recommandations. Et on voit l'innovation, où est-ce qu'elle mène. Parfois, on la voit petite au début, mais à la fin, ça devient grandiose. Et on va le voir avec ce récit. Donc, on revient au récit. Il demande à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud prend son turban, et il se couvre la tête et le visage avec, en laissant que les yeux apparaître. Hein, comme on le sait, au Maghreb, ils le font. Ils se couvrent avec le turban, et ils font apparaître que, ils laissent apparaître que les yeux. Une forme de niqab. Comme une niqab. Il fait apparaître que les yeux. Et il entre dans la mosquée, pour pas qu'ils le reconnaissent. Et comme il est l'émir, le gouverneur de Al-Kouf, hein, il se peut qu'il ne le fasse pas devant lui. Donc, il vient. Il entre et il les trouve en train de le faire. Et à ce moment-là, il se découvre le visage. Il dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du messager d'Allah. Arrêtez ce que vous faites et j'implore Allah que vous ne perdez pas vos bonnes actions. L'un des leaders ou le leader de ces gens a dit, « Oh Abu Abdurrahman, en agissant ainsi, on n'a voulu que le bien. On n'a voulu que le bien. » Il leur a dit, « Et combien en cherchant le bien ne l'atteignent pas ?»« Kam min muridin lil khayri lan yusib. » C'est pas parce que tu veux atteindre le bien que tu vas l'atteindre. Surtout quand tu ne prends pas le chemin pour l'atteindre. Et là, c'est une réponse à toutes ces personnes que lorsqu'on leur reproche des innovations, ils disent l'important c'est la niya, c'est le cœur. Non, on ne joue pas avec la religion. La niya, elle a toute sa place. L'intention, elle a toute sa place. Mais l'intention à elle seule ne suffit pas. Il faut la bonne intention, il faut la sincérité et il faut la conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que tu es bien intentionné que cela va légitimer, va faire que tes œuvres soient acceptées. Donc ce n'est pas parce que tu as voulu le bien que tu as atteint le bien. Tu n'as pas pris le bon chemin pour atteindre le bien. Il y en a, ils vont dire quoi ? Il est où le mal ? Ils font du zikr. Et le zikr, c'est bien, c'est demander. Ça, c'est les époques, elles se ressemblent. C'est comme ça que beaucoup de gens répondent. Hein, c'est mieux qu'ils fassent ça, qu'ils soient dehors, qu'ils fassent telle chose. C'est comme ça qu'ils parlent les gens. Parce qu'ils parlent avec ignorance. C'est l'ignorance qui parle. Les gens de science, ils disent non. Il n'a pas le droit de prendre un chemin autre que celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait des péchés dehors, c'est grave. Mais il sait qu'il commet des péchés. Il ne prétend pas se rapprocher d'Allah avec ses péchés. Et au fond de lui, il a des regrets. Il ne voudrait pas être divulgué. Il ne voudrait pas qu'on le voie faire ses péchés. Et donc, il y a toujours espoir qu'il revienne. Mais l'autre, qui fait ses innovations, lui, il ne voit pas lui le mal. Il pense se rapprocher d'Allah. Shaitan lui embellit son chemin. Et au final, il ne fait que s'éloigner d'Allah. Taïb. Donc, il leur a dit, et combien en cherchant le bien ne l'atteignent pas ? Il leur a dit, radiallahu anh, comment vous commencez à vous égarer alors que les vêtements du messager d'Allah ne sont pas encore usés. Ses ustensiles ne sont pas encore cassés. Ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps que le prophète il est mort. Vous commencez déjà à dévier. Vous commencez déjà à quitter la voie, le chemin. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Le rapporteur du hadith, de ce récit, de ce athar, il dit, et tous ces gens qui étaient en train de faire cela, on les a vus le jour de la bataille de Nahrawan. Ils étaient tous du côté des Khawarij. Subhanallah. Ils étaient tous dans le camp des Khawarij. On les a vus dans le camp des Khawarij nous combattre. Les ulama disent, parmi les leçons à tirer, que d'une petite bid'a, on se retrouve dans une grande bid'a. C'est une porte. Tu l'ouvres, tu ne sais pas où elle va t'amener. Donc il ne faut jamais dire qu'une chose elle est petite ou pas. Non. C'est une gravité. Et si tu ne reviens pas, tu vas te retrouver dans une gravité, un mal encore bien plus grand. C'est comme les prêcheurs de l'égarement. Au début, personne ne les connaît. Beaucoup ne les connaissent pas. Quand il y a des savants qui mettent en garde, qui sonnent l'alarme, beaucoup disent quoi ? Mais c'est quoi son problème ? C'est quoi son mal ? Et ainsi de suite. Et chacun croit qu'il est capable de pouvoir assimiler, tout comprendre. Ce manque de confiance qui fait perdre les gens. Puis le temps y passe, et cette personne... les gravités, elles commencent vraiment à apparaître. Pourquoi ? Parce qu'il a pris du poids. Il est devenu solide. Il a des suiveurs. Il se permet ce qu'il ne se permettait pas auparavant. Donc, il lâche les choses. Et là, les gens ils disent, ah oui, mais c'est trop tard. Combien de gens ont été perdus ? Si seulement vous aviez écouté le premier jour. C'est comme les fitnas. Quand elles arrivent, les gens ils voient pas le mal dedans. Les ulama, ils disent, attention, c'est une fitna, éloignez-vous-en. Ils ne veulent pas écouter. Une fois qu'elle est passée, tout est détruit, il y a eu beaucoup de morts, le sang est fusé, tout le monde dit, ah oui, c'était une fitna. C'est trop tard. C'est trop tard. Les ulama voient la fitna avant qu'elle ne vienne. Et les gens de la masse, ils ne la voient qu'une fois qu'elle est partie, qu'elle est passée. Donc, il est devenu, Omar radiallahu anh, l'a nommé gouverneur de l'Koufa et il est mort à Médine en l'an 32 de l'Hégire. Le second compagnon, c'est Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, thumma al-Sulami, Sahabi ibn Sahabi. Lui et son père, ce sont des compagnons. Lui et son père, Jabir et Abdullah ibn Amr, ce sont des compagnons. Et Jabir, il a participé à plusieurs batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ghaza ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé à 19 batailles avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Quand on dit ghazwa, c'est que le prophète a participé. Sinon, on appelle ça Sariya. Sariya, c'est des compagnons qui ont été envoyés, mais le prophète n'était pas avec eux. Mata bil Madina ba'da as-sab'in. Il est mort à Médine après l'an 70 de l'Hégire. Tafsir al-Mufradat. Explication de certains mots, vocabulaire. الدعاء هو الطلب والرغبة الدعاء l'invocation c'est la demande et aussi la volonté de vouloir quelque chose. النِد هو الشبيه والمثيل. Donc c'est النِد, c'est le semblable, l'égal. Hein, il est au singulier. Le pluriel c'est أنداد. النِد والأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الشرك هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كما يحب الله. الشرك le polythéisme c'est de donner à Allah, de mettre avec Allah un semblable, un égal. Il l'invoque comme il invoque Allah. Il a peur de lui, il le craint, il a espoir en lui, il l'aime comme on doit aimer Allah. Ou yuhibbuhu kama yuhibbu Allah, kama yuhibbu Allah. Ou yasrifu lahu naw'an min anwa' al-ibada. Ou alors, il lui réserve des adorations qui normalement doivent être réservées à Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا هو الشرك الذي لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. Voilà le polythéisme pour lequel il ne reste avec la personne plus aucune trace de monothéisme. Le shirk majeur et le monothéisme ne peuvent pas être ensemble. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc ils ne peuvent pas être ensemble. C'est pour cela que celui qui croit en Allah, l'existence d'Allah, et qui croit en la seigneurie d'Allah, mais il adore autre que Allah, il n'est pas croyant. Il a une partie de la croyance, mais elle n'est pas prise en considération. Parce qu'il a donné à Allah des égaux et des semblables. Donc il perd la foi. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des polythéistes. C'est-à-dire, ils croient en la seigneurie d'Allah. Ils reconnaissent qu'Allah, c'est lui le créateur. C'est lui qui pourvoit, qui donne la vie, qui donne la mort. Mais au même moment, qu'est-ce qu'ils sont? Des polythéistes. Parce que dans l'adoration, ils vouent des cultes, des adorations à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Et comme disent les ulama, la majorité des gens de la terre, dans toutes les époques, reconnaissent l'existence d'Allah et reconnaissent et croient en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même Quraysh, qui ont été considérés comme des polythéistes et qui n'étaient pas croyants, croyant en l'existence d'Allah, et croyant en la seigneurie d'Allah. Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Et si tu viens les questionner, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est Allah. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Ils sont convaincus que c'est Allah le créateur. Jamais ils ont dit qu'une des statues qu'ils adorent a la créé. Mais avec cette croyance, ils se permettent d'adorer autre que Allah. Et de là, ils sont considérés comme des polythéistes et ils ne sont pas croyants. Al-ma'na al-ijmali li hadith ibn Mas'ud. Le sens global du hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Al-hadith yubayyinu makanat ad-du'a. Donc le hadith nous démontre bien la place de l'invocation. La place de l'invocation. وأنه من أعظم العبادات ومن أعظم حقوق الله. Et que الدعاء, l'invocation, fait partie des plus grandes adorations et des plus grands droits d'Allah, تبارك وتعالى. بحيث لو صرفه العبد لغير الله لكان بذلك مشركا. De sorte que si le serviteur réserve l'invocation à autre que Allah, en faisant cela, il devient polythéiste. قد اتخذ لله ندا ومثيلا في الإلهية وفي استحقاق العبادة. Il a certainement donné à Allah un égal, un semblable dans la divinité. Ilahiyya, uluhiyya. Ça, c'est le même mot. On dit al-ilahiyya et on dit al-uluhiyya, la divinité. Et c'est un nom commun. Al-ilah, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Le nom propre, c'est Allah. Allah. Al-ilah, c'est la divinité. Et ici, il est voulu la véritable divinité qui est unique et seule, qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. La fin de la shahada, c'est Allah qui est le nom propre. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Ici, il est question d'adoration. Il est question d'adoration. C'est pour cela que lorsqu'on dit la ilaha illallah, ce n'est pas il n'y a de Dieu que Dieu. Non. Parce que des divinités, il y en a plein. Des millions. On ne peut les dénombrer. Chacun est ce qu'il adore en dehors d'Allah dans ce monde. Et depuis le temps qu'il y a le polythéisme. Mais il n'y a qu'une seule véritable divinité qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et toutes ces divinités, elles sont fausses. Et l'adoration qui leur est donnée, elle est vaine. La ilaha, il n'y a pas. La particule de négation. Elle met la phrase à la forme négative. D'accord ? La ilaha, il n'y a pas de divinité. Là, c'est la négation. Il n'y a pas. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de divinité ? C'est-à-dire que personne n'est en droit d'être adoré. Personne ne mérite l'adoration. Personne ne doit recevoir une quelconque adoration. Le culte est interdit pour toute créature. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Illa, particule d'exception. Harf istithna. À l'exception d'un seul. Unique. Personne n'est en droit d'être son égal ou son semblable. Pas même un ange rapproché, pas même un prophète envoyé. Que dire des autres créatures ? Personne. Les prophètes et les anges sont les adorateurs d'Allah. Ils adorent Allah et les prophètes et les messagers ont invité tout leur peuple à l'adoration d'Allah. Et de délaisser et de s'éloigner de toute adoration donnée à autre que Allah. La ilaha illallah. Négation, affirmation. Donc quand tu dis la ilaha illallah, les premiers arabes, à l'époque de Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et leur disait Qu ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô peuple, dites la ilaha illallah. Et vous gagnerez la réussite. Vous réussirez. Ils ont dit quoi ? Ils comprennent, ce sont des Arabes. Ils comprennent exactement la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et ce qu'elle implique. Ils ont dit quoi ? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait de toutes les divinités, au final, qu'une seule divinité ? Voilà une chose étrange. Ils n'ont pas accepté. Ils ont su, à ce moment-là, qu'en disant « La ilaha illallah », ils se devront d'arrêter, de vouer un culte à toutes ces statues qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que la personne qui se convertit, les sahabes, radhiyallahu anhum, en prononçant cette formule, ils quittaient toute forme de polythéisme. plus aucune adoration ne sera donnée à autre que Allah. C'est un monothéisme pur, réservé à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, combien de gens aujourd'hui, 15 siècles après la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, tous ils disent la ilaha illallah, tous ils savent que la clé de l'islam c'est la ilaha illallah, tous savent que le premier pilier c'est la ilaha illallah, tous savent qu'on entre dans l'islam c'est la ilaha illallah, tous savent qu'on quitte ce monde avec la ilaha illallah. Mais combien savent exactement la signification de la ilaha illallah? Combien s'acquittent de ce qu'implique cette phrase et la pratique dans toute leur vie? Mais comment voulez-vous qu'ils le savent pour des personnes qui ne donnent aucune importance à la ilaha illallah? Des personnes que ça les embête d'entendre la ilaha illallah expliquée dans les détails. Ils ne veulent pas. Subhanallah. S'il n'y a pas la ilaha illallah, il n'y a pas tout le reste de l'islam. Tous les piliers de l'islam ne peuvent être acceptés que s'il y a la ilaha illallah. C'est pour ça qu'un kafir, un mécréant, il vient, il fait la prière, il jeûne le ramadan, il donne la zakat. C'est accepté? C'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la ilaha illallah. Subhanallah. Donc il va se fatiguer à faire des gestes, des actions, mais au final, ça sera du vent. Rien du tout. La poussière emmenée par le vent, éparpillée par le vent. Donc il faut qu'il y ait... C'est pour ça que le premier pilier de l'islam, il comporte deux témoignages. Ce n'est pas chaque témoignage est un pilier. Non, les deux témoignages forment le premier pilier. Shahadatu an la ilaha illallah, shahadatu anna muhammadan rasulullah. Le témoignage que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre, iqam al-salah, ita'u al-zakah, sawm ramadan, hajj al-bayt, ça c'est les quatre piliers qui suivent le premier pilier. Et toutes les autres obligations religieuses, toute adoration accomplie, ne pourront être acceptées que si elles comportent les conditions de validité. Et les conditions de validité, c'est le premier pilier. C'est la mise en pratique de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, on n'adore que Allah seul, sincèrement, lui vouant un culte exclusif, et on ne l'adore que comme l'a adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Pas comme chacun bon lui semble. Non. Comme le prophète l'a enseigné. Comme le prophète nous a demandé de pratiquer. Une adoration que les compagnons ne connaissaient pas n'est pas une adoration qui te rapproche d'Allah. Toute adoration qui n'a pas été pratiquée par les compagnons, ne la pratiquez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Celui qui invente une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie est à rejeter. Que cette action, ce soit toi l'inventeur de cette action, ou alors elle a été inventée par quelqu'un d'autre, c'est la même chose au final. Cette action, elle a été inventée. Donc dans les deux hadiths, les deux versions, on a les deux situations. Dans l'un, tu commets une action, une innovation, bien que d'autres peut-être l'ont inventée avant toi. Et dans l'autre, c'est toi qui as inventé cette innovation. Dans les deux cas, c'est la même chose. Ce sont des actions qui n'ont pas été enseignées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, une action ne pourra être acceptée que s'il y a la ilaha illallah, la sincérité dans l'œuvre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad Rasulullah, je adore Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a enseigné dans le suivi de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Si on s'arrêtait longuement sur ce premier pilier qui est le plus important, qui est le pilier de base sur lequel viennent à être posées les autres obligations, on aurait compris l'essence même de l'islam et la base même de l'islam. Combien de gens ils disent, une telle personne, il ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse ses prières, il ne comprend pas qu'il faut jeûner, il ne comprend pas ça, il ne comprend pas ça. Mais beaucoup ne pensent même pas à se dire, mais au fait, il en est où lui avec la ilaha illallah? Il a bien compris la ilaha illallah? On lui a bien expliqué? Il sait que l'adoration, c'est un droit exclusif à Allah et qu'on ne doit adorer Allah que comme il a légiféré? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? C'est pour ça que l'innovateur est un législateur. L'innovateur est un législateur. Il légifère avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous imaginez la gravité de cette action? La ilaha illallah. Donc, négation, jamais une adoration donnée à autre que Allah. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Puis, je n'accomplis comme adoration que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'accomplir. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. لتأخذوا عني مناسككم, que vous preniez de moi vos rites de pèlerinage. L'imam Ahmed rahimahullah, il dit que les fondements de l'islam sont au nombre de quatre. Il y a celui qui guide, il y a l'argument, celui qui détaille, explique l'argument, et celui qui s'argumente avec l'argument. Il dit au sol de l'islam arba'a, dallun wa dalilun wa mustadillun. دال ودليل ومبين ومستدل. 4. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique cela en disant, et parmi ce qui est rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah, sa parole que je viens de vous citer, les fondements de l'islam sont au nombre de 4: celui qui guide, l'argument, celui qui détaille explique l'argument, et celui qui s'argumente avec. Il a dit ad-dal huwa Allah. Celui qui guide, c'est qui? C'est Allah. Ad-dalil al-Qur'an. Al-mubayyin, celui qui explique le Qur'an, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit dans le Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Et celui qui s'argumente, ce sont les savants de l'islam reconnus. Les savants de l'islam reconnus. Tayyib. قد اتخذ لله ندا ومثيلا في الإلهية وفي استحقاق العبادة. Donc celui qui voue l'invocation à autre que Allah, il devient en faisant cela polythéiste. Il a donné à Allah un semblable, un égal dans la divinité et dans le droit à l'adoration. وهذا تمرد على الله وعناد لأنبيائه وتكذيب لرسله الذين اتفقت دعواتهم ورسالاتهم جميعا على وجوب إفراد الله بالعبادة ومن أعظمها الدعاء. Et c'est une transgression à l'encontre d'Allah, une opposition à ses prophètes, un démenti de ses messagers, dont il y a le consensus, l'unanimité chez tous les prophètes. Ils ont le même prêche, le même message, qui est l'obligation d'unifier Allah dans l'adoration. Et parmi ses plus grandes adorations, il y a l'invocation, ad-du'a, qui est aussi la prière. Souvent, les chrétiens, quand ils emploient le mot prière, en français, c'est l'invocation. Bien qu'ils invoquent autre que Allah. Mais ils veulent par le mot prière, invocation. Et en arabe, as-salat, la prière, c'est une prière, mais qui a des caractéristiques bien précises. Hein, c'est un ensemble de paroles et de gestes, donc bien précis, en des moments bien précis, et ainsi de suite. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'invocation c'est l'adoration. Ça veut dire que c'est une des plus grandes adorations. C'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante adoration. C'est الدعاء. Ça ne veut pas dire que الدعاء c'est la seule adoration. Comme lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم dit الحج عرفة. Le pèlerinage, c'est عرفة. Et vous savez tous que le pèlerinage, il y a bien plus que عرفة. Mais c'est pour montrer que la station de عرفة est un pilier très important dans le pèlerinage. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: invoquez votre Seigneur avec espoir et crainte, peur. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset: et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. وَقَالَ نَاهِيًا عن دعاء غيره ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, nous mettons en garde, nous interdisons d'invoquer autre que lui, dans le sens du verset, et n'invoque pas en dehors d'Allah celui qui ne peut t'amener ni bien ni mal, qui ne peut ni te faire du bien, ni te faire du mal. Si jamais tu viens à le faire, alors tu seras du nombre des injustes. لِأَنَّ الشِّرْكُ ظُلْمٌ. Car le polythéisme, c'est une injustice. يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ô mon enfant, comme Luqman, alayhi salam, il dit, dans le sens du verset, ô mon enfant, n'associe rien à Allah, car le polythéisme est une grande, énorme injustice. Et l'injustice, c'est le contraire de la justice. La justice, c'est de mettre chaque chose à sa place. L'injustice, c'est le contraire. L'adoration, tu la donnes à Allah, c'est la justice. Tu la donnes à autre que Allah, tu l'as mis, l'adoration, là, il ne fallait pas la mettre, tu as été injuste. Et c'est la plus grande injustice. Al-amru bil-ma'ruf an-nahy 'anil munkar. Ordonner le bien, interdire le mal. Al-ma'ruf en premier lieu, et le plus grand des biens, c'est le monothéisme, le tawhid. Et l'interdiction du mal, al-munkar, le plus grand, le plus énorme, c'est le polythéisme. وقال فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Dans le sens du verset, Allah nous dit dans le sens du verset: et n'invoque pas en dehors d'Allah une autre divinité, sinon tu seras du nombre des châtiés. فدعوة غير الله تعتبر تأليها لذلك الغير والعياذ بالله. Donc invoquer autre que Allah fait que tu as désigné, rendu celui que tu as invoqué comme divinité en dehors d'Allah. qu'Allah nous protège de tout mal. وقال تعالى موبخا للمشركين ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ad-din ay ad-du'a. Dans le sens du verset, Allah nous dit, en réprimandant les polythéistes de leurs agissements, dans le sens du verset, ceci, parce que lorsque Allah est invoqué, est adoré seul, vous mécroyez. Et lorsqu'on lui associe, à ce moment-là, vous croyez. Le jugement appartient seulement à Allah, l'élevé, le grand. C'est lui qui vous montre ses signes et qui vous fait descendre la subsistance du ciel ou la pluie du ciel ne se rappelle que ceux qui se repentent, qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Invoquez donc Allah sincèrement. À lui appartient la religion, l'invocation. Même si cela déplaît, que cela déplaise aux mécréants. Ici, lorsqu'il est dit le mot din, il est voulu ad-du'a. Wa qala ta'ala hakiman bid-dalali wal-khibati 'ala man yad'u ghayra Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Et Allah nous dit, nous relatons, nous parlons de l'égarement et de l'humiliation qui va toucher ceux qui adorent ou qui implorent, qui invoquent autre que lui, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset. Et quel est le plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne pourra jamais lui répondre jusqu'au jour du jugement dernier, alors qu'ils sont insouciants de leur invocation. Et lorsque les gens seront ressuscités, seront amenés dans la grande place le jour du jugement dernier, ils seront leurs ennemis et ils renieront l'adoration qui leur vouait. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, ceci parce qu'Allah est votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, que vous adorez en dehors de lui, ne possèdent même pas Al-Qitmir. Al-Qitmir, vous connaissez la date. Lorsqu'on ouvre une date, il y a le noyau d'une date. Et autour du noyau, il y a une pellicule. C'est ça Al-Qitmir. Même ça, ce qui est insignifiant. Ce petit voile blanc, transparent, qui est autour du noyau, même ça, il ne le possède même pas. Il ne le possède même pas. Il ne possède rien. Tout est la propriété d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand il y a un décès, on dit quoi ? Inna lillahi. Nous appartenons à Allah. Nous sommes à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Et nous retournerons à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc même Al-Qitmir, il ne le possède pas. Cette pellicule insignifiante, il ne la possède pas. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos appels, ni vos invocations. Et même s'ils venaient à les entendre, ils ne pourront vous répondre, vous exaucer. Et le jour du jugement dernier, ils renieront votre polythéisme. Et il n'y a que celui qui est bien informé pour vous en parler. ومن هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم والسنة المطهرة يتبين لمن فتح الله بصيرته وأنار قلبه وشرح صدره أهمية الدعاء ومكانته في العقيدة الإسلامية. Et de ces textes et d'autres textes semblables qu'on retrouve dans le Coran et dans la pure sunna tradition du prophète alayhi salatu wassalam, il est bien clair, il devient bien clair pour celui qu'Allah a bien ouvert sa clairvoyance et qu'Allah lui a illuminé son cœur et qu'Allah lui a bien ouvert sa poitrine, c'est-à-dire à accepter et à bien voir la réalité et la vérité, l'importance de l'invocation et sa place dans le dogme islamique. ولأجل هذه المكانة توعد الله من لا يخضع له بالدعاء بدخول النار صاغرا ذليلا. Et c'est pour cette place qu'a la dua, l'invocation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui ne se plie pas, qui ne se soumet pas à lui de par l'invocation. Il le menace d'entrer dans le feu de l'enfer en étant tout humilié, petit et humilié. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Dans le sens du verset, certes ceux qui s'enorgueillent par rapport à mon adoration, ici c'est la vocation, entreront certainement dans le feu de la géhenne en étant humilié. وتوعد من يدعو غير الله بدخول النار. Et il a menacé ceux qui invoquent autre que Allah d'entrer dans le feu. كما في هذا الحديث, comme on retrouve cela dans ce hadith, من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Celui qui meurt en ayant invoqué autre avec Allah entrera dans le feu de l'enfer. En ayant donné à Allah un égal, un semblable dans la vocation, entrera dans le feu de l'enfer. Ma yustafadu min al-hadith. Les leçons à retenir de ce hadith. Makanatu du'a. La place de la du'a, de l'invocation. Wa annahu a'zamu al-ibadat lillah. Et que c'est la plus grande adoration d'Allah. Anna du'a ghayrillahi shirkun azim wa dhulmun jasim. Que l'invoquer autre que Allah est du grand polythéisme et une grande et énorme injustice. Anna man yad'u ghayra Allah laysa lahu jazaa' illa an-nar in mata 'ala dhalik. Que celui qui invoque autre que Allah, invoque avec Allah, il n'aura comme rétribution que le feu de l'enfer s'il meurt ainsi. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين